Un poète, un auteur et un compositeur, Fabienne, à qui l'on doit certains des hymnes les plus envoûtants de ces dernières décennies, des titres sur lesquels on a tous fredonné, empreint d'une certaine mélancolie, comme dans Alléluia, sa chanson évidemment la plus connue. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, reprise par plus de 120 artistes, qui a traversé toutes les générations, comme beaucoup des œuvres de Leonard Cohen, d'ailleurs des morceaux pleins de poésie. Leonard Cohen, né à Montréal, qui est venu à la chanson sur le tard il y a plus de 30 ans quand il se lance, ne gagnant pas assez bien sa vie comme écrivain et poète. Il déménage à New York, c'est l'heure de Suzanne en 1967. She can trust you for you've touched. Un premier recueil marqué déjà par un certain mal-être et par le dépit amoureux. Beaucoup d'autres morceaux de Leonard Cohen sont empreints de cette noirceur, Chelsea Hotel, So Long Marianne ou encore cette chanson qu'il interprète, The Partisan. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not. Leonard Cohen, Aurélien, c'est un artiste également qui a été salué par la critique et aussi par le grand public. Oui, de nombreuses récompenses, un Grammy Awards en 2010 pour l'ensemble de son œuvre, une intronisation au Rock and Roll Hall of Fame et l'Ordre du Canada, l'équivalent de notre Légion d'honneur, célébré dans le monde entier, surtout à l'image de sa dernière tournée de 2008 à 2013, un véritable triomphe qu'il termine toutefois très fatigué et toujours autant hanté par la mort. Un thème plus que jamais décliné sur son 14e et dernier album, You Want It Darker. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the heat, album sorti il y a tout juste 3 semaines, l'idée de la mort y est omniprésente. La voix de Leonard Cohen, vous l'entendez, est plus grave et plus murmurée que jamais. Je suis hors jeu, je quitte la table. Voici quelques-unes des paroles que Leonard Cohen délivre dans cet ultime album.